Hello everybody. Salama. Est-ce qu'il sature mon sang ou quoi? Non, nickel. Ok, I have 5 minutes. Then I have to go. Chantez le reggae. Pourquoi tous mes sons échouent? C'est normal. Dis-moi recevoir. Dis-moi recevoir Sharon. À moi, Doudou, dis donc. Arrête de me parler comme ça, sinon tu vas prendre la clé. Fais qu'à danser. Ooh. they make me wanna come in there and get very you put your clothes. again.